Le festival du soleil levant. Une histoire écrite par Cryptid Pip et lue par G0305. C'était au mois d'août, à la fin de la saison des pluies, que se trouvait à Nevers le Festival du Soleil Levant. Nevers était la ville marchande à l'est de Tevent, une ville si jolie et abondante qu'au temps du festival, quasiment tous les regards étaient tournés vers elle. La ville était bâtie dans une crique assez raide, au creux d'une montagne. Les petits ruisseaux venant de la haute montagne coulaient plus bas pour se jeter dans le Péruvier, le plus grand fleuve du pays. Beaucoup des petites ruelles et des escaliers qui s'élançaient vers le ciel faisaient ressembler la ville à un labyrinthe enchanté. En bas de la ville, au bord du fleuve, il y avait le port avec ses bateaux à voile et barques de pêche. L'eau du fleuve était bleu azur et si claire qu'on pouvait en voir le fond. Comme le spectacle durait du début de la première semaine jusqu'à la nuit de pleine lune, la durée des festivités changeait tous les ans. Toutefois, le plus grand spectacle concernait toujours le fleuve, le Péruvier. Chaque année, il était destiné à être teinté de plusieurs couleurs, un procédé qui débutait par la couleur bleu-azur du fleuve. Selon le nombre de jours restants jusqu'à la fin du festival, les couleurs changeaient quotidiennement. Le dernier jour, la couleur du fleuve était jaune, comme le soleil qui était alors célébré. Au marché qui se trouvait à l'ouest de la ville et en haut du fleuve, les gens faisaient la fête au lieu de marchander. Ils se bariolaient, se vêtaient de tenues traditionnelles du pays et mangeaient sous le soleil. L'air humide de la saison des pluies avait été balayé grâce au soleil, et donc les habitants et visiteurs pouvaient célébrer à l'extérieur, au-delà des murs clos des maisons. Ils dansaient autour des petits ruisseaux, en haut des ponts, devant la mairie du centre-ville. En face de Nevers, sur l'autre rive du Péruvier, il y avait un feu d'artifice chaque soir à minuit. Une personne, sélectionnée à l'avance, traversait le fleuve en bateau festif et allumait de sa main les feux d'artifice aux couleurs du jour. Pendant la minute du feu d'artifice, tous les gens devaient trouver un partenaire parmi la foule qu'ils embrassaient autant de fois que des jours de festival passés. Le festival du soleil levant se terminait vers 3h du matin, le jour suivant la nuit de pleine lune. Après cet événement, la ville retournait alors à son quotidien. Fin. Merci d'avoir écouté.